Ouais, ici c'est One Zone. On présente pour tous les petits frères et les petites sœurs qui sont partis trop tôt, victimes de ces personnes alcoolisées au volant, ça a abusé. Je vous présente pour tous les petits frères et les petites sœurs qui sont partis trop tôt, victimes de ces personnes alcoolisées, ça a abusé. Ça fait 2-3 fois que t'as été arrêté pour ce même délit. Tu trouves pas que t'as un problème avec l'alcool, tu devrais le régler. Tu fais même pas partie de cette association alcoolique anonyme. Je reste pas anonyme sur ce sujet. Je ne devrais plus aborder ce thème si ton amour pour l'alcool serait brisé. Ça a abusé, je sais que les hommes et femmes ont tous ce problème. Mais pas besoin de se noyer dans l'alcool, ça ne les règle pas. Ton sens de l'équilibre est déréglé par le pourcentage de l'alcool qui te cogne la tête, le revers de la médaille. Petit esprit décolle vers le ciel et toi dans le coma, tu t'en sortiras. Pourquoi prendre ta bagnole sous alcool? Mais pourquoi tu déconnes? Mais pourquoi tu déconnes? Pourquoi prendre ta bagnole? Mais dis-moi pourquoi tu déconnes? Je suis ta peau sur ton épaule, du côté de ton cœur. Je suis là pour te remettre la raison, pour éviter les frissons. Homme ou femme, si t'as faim pour l'alcool, ne prends pas ta bagnole, pour éviter qu'une âme décolle vers les portes du paradis trop tôt. Quand la mort met son manteau noir pour faire son sale boulot, elle venge Noël et juste fête, elle n'est pas au repos. Mais pourquoi tu l'aides? Laisse ta bagnole au garage quand t'es sous alcool, s'il te plaît. Pour cette petite sœur qui est partie trop tôt, une paire d'ailes d'ange lui était distribuée trop vite. Elle s'envolait vers les portes du paradis. Dieu te prendra dans ses bras, j'espère qu'il te réconfortera. Nous ici pas avec ta famille, on perd des larmes de peur que ça se reproduise. J'espère que mes paroles et nos pensées s'envoleront vers toi et te reconforteront, petite sœur. Chaque heure, chaque jour et chaque minute y passe pour ta famille. Leur appel, le battement de ton cœur dans leur tête, c'est toujours cette même question qui revient sans cesse. Pourquoi Dieu t'a rappelé auprès de lui aussi vite? Et pourquoi avec une telle violence? J'en ai des frissons quand j'y pense. Toi avec cette enfance, tu pensais pas que le mal existait, à rien t'amuser. Ton sourire illuminait chaque pièce où tu rentrais avec ton visage d'ange. Mais ces ailes t'ont été données trop tôt. La balance du bien et du mal bascule trop souvent vers les ténèbres. Les chétans en profitent pour chuchoter à l'oreille de ces hommes et femmes qui sont un fait pour l'alcool, juste en abuser. Près de la bagnole, suivi d'une âme qui décolle. Pourquoi tu déconnes? J'espère que mes paroles te rendront ta raison, et j'espère qu'ils briseront cet amour que t'as pour la bouteille qui nous fait porter le deuil. Je vous présente pour cette petite sœur qui est partie trop tôt. Une paire d'ailes d'ange lui était distribuée trop vite. Elle s'envolait vers les portes du paradis. Dieu te prendra dans ses bras, j'espère qu'il te réconfortera. Nous ici pas avec ta famille, on perd des larmes de peur que ça se reproduise. J'espère que mes paroles et nos pensées s'envoleront vers toi et te reconforteront, petite sœur. Pour cette petite sœur qui est partie trop tôt, une paire d'ailes d'ange lui était distribuée trop vite. Elle s'envolait vers les portes du paradis. Dieu te prendra dans ses bras, j'espère qu'il te réconfortera. Nous ici pas avec ta famille, on perd des larmes de peur que ça se reproduise. J'espère que mes paroles et nos pensées s'envoleront vers toi et te reconforteront, petite sœur.